comprends comme je fais plus attention à moi. Depuis que mon corps ne m'appartient plus, depuis qu'il s'est jeté dans le creux de tes bras, dans la détresse de l'homme par la vie déçue, celui rêvant d'une vie aux grandes allures et qui s'est fait baiser par la solitude, par tout ce temps donné à coucher sur la dure, par tout ce temps passé à me passer le doigt. Pour moi la vie n'était le plus pur des combats contre l'intempérance et le moindre désir, mais qu'il est doux de ne plus tout prendre sur soi, de se laisser aller pour ne rien devenir qu'un homme qui espère et tes yeux qui gagnent à gagner tes mystères, à protéger ton âme. Je sens que je me perds, je sais que tu me gagnes, ton charme dans mes veines vient me conquérir. Alors je sens soudain que je vaux quelque chose. Je crois surtout là-haut qu'il existe vraiment celui qui nous distille à petite dose les flammes de son amour dément, celui qui nous embrasse et nous donne confiance. Le désert de mon âme s'en trouve irrigué d'un torrent de tendresse grâce à ton existence que maladroitement je viens adorer.